Allez, ben on va partir comme ça. J'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet qui est un petit peu énervé parce que mon ordinateur m'a joué des tours, mais je suis peut-être venu à vous, peut-être. J'ai fait tout simplement échappe pour supprimer tout ce qui était en train de mouliner. Et on va voir si ça marche jusqu'au bout. C'est la saga des Fab Four numéro 646. Nous sommes le 10 septembre 2025. Et l'album de la semaine, c'est l'album Help des Beatles en 1965. On écoutera Help, bien sûr. Il y aura The Night Before. Il y aura You've Got to Hide Your Love Away, Another Girl, You're Gonna Lose That Girl. Et on finira évidemment, c'était obligé, par Yesterday. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr. Pour McCartney, ce sera Ramon sur l'album Ram en 1971. John Lennon nous chantera You Are Here sur Mind Games en 1973. Quant à George Harrison, ce sera Isn't It a Pity, mais attention, je crois que c'est la première fois que je la passe et je me demande pourquoi j'ai attendu autant. Je pense que j'aime beaucoup, beaucoup la première version, celle que tout le monde connaît. Et dans mon esprit, la deuxième version était hindoue ou un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, ça me plaît pas. Et je ne l'ai jamais réécouté. Et au moment où j'ai préparé cette émission, je me suis dit, tiens, si on l'écoutait, ben c'est pas mal. C'est moins bien, mais c'est pas mal. Et il y aura également, donc on l'écoutera, il y aura Ringo Starr qui nous chantera Husbands and Wives, une chanson que j'adore. Place tout de suite à la musique avec un petit peu d'aide. Hein. Ça aurait été bien. Voici Help sur RG, la radio des Beatles, tous les mercredis, 20h-22h. Younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Déjà le cinquième album studio des Beatles, sorti le 6 août 1965 au Royaume-Uni. Il sert également de bande originale au deuxième film des Beatles, réalisé par Richard Lester. Album charnière, il mêle encore la pop joyeuse des débuts à une écriture plus profonde et plus personnelle. Le film Help, c'est une intrigue comique. Un culte oriental veut récupérer une bague coincée au doigt de Ringo. Tourné à Londres, dans les Alpes et aux Bahamas, les Beatles se sont vite lassés du tournage. Lennon dira « c'était de la pure bouffonnerie ». Néanmoins, c'était encore l'insouciance des années 60 et c'était plutôt très très sympa. Importance de cet album, c'est un album de transition vers la maturité musicale. Robert Soul suivra. Opposition entre John, plus tourmenté, et Paul, mélodique. Mélange de tube pop et de ballades profondes annonçant l'évolution artistique des Beatles. Bref, un album à suivre. Take One. Okay. Take one. Okay. C'est un des pseudos qu'il utilisait de temps à autre. Paul McCartney, c'est une très belle chanson. Je vous ai mis les deux morceaux ensemble. Vous avez sur la face A du 33 tours à l'époque, Ramon. Et sur la face B, Ramon Reprise. Je sais pas si on le dit comme ça, mais bon. Et puis, vous avez entendu en fin de chanson, Yeah, who's that coming round that corner? Cette chanson-là, c'est un petit bout qu'a fait Paul McCartney, qu'on verra dans un album suivant. Bref, il ne perd jamais rien, Paul McCartney. C'est là sa force. Il est très, très bon, très, très génial. Et c'est l'album Ram. Je me remets de mon petit souci technique. J'espère que tout tiendra jusqu'au bout. Voici John Lennon. Il y en a un qui va aller boire un café. Vous êtes ici. Il avait de l'avance par rapport au panneau indiquant où vous êtes sur un métro, par exemple. You are here sur RG. C'est extrait de Mind Games. Distant land. je vous ai proposé l'ultimate mix. C'est pour ça que le son est si pur, si beau et si bien. J'enchaîne avec la version étonnante, on va dire, de Isn't It a Pity, que je n'ai jamais diffusée, je crois, à l'antenne. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah, c'est plus calme, c'est plus tranquille. C'est pas si mal que ça, finalement. Because of all that's

Monkey en 1976 sur l'album 33 and One Third. Que dit George Harrison sur son bouquin I Me Mine sorti en 1980? Il dit « Pure Smokey a commencé avec de beaux changements d'accords. J'ai toujours aimé Smokey Robinson et il est probablement l'un des meilleurs auteurs-compositeurs du coin. Il a écrit de grandes paroles et de grandes mélodies et il est fantastique à voir en concert car on a tendance à oublier combien de bonnes mélodies il a écrites. Il a sorti un album intitulé Pure Smokey et je l'ai rencontré une fois ou deux. Parfois, vous avez une idée et vous écrivez une chanson spécifique, mais d'autres fois, et souvent même, elle se transforme en ce qu'elle devait être, une fois fait un petit effort. Et ça s'est transformé en Pure Smokey. J'essaie de faire valoir le point, ce point spécial, spécifique. Si j'aime quelqu'un, je veux lui dire « je t'aime ». Je ne veux pas mourir et ensuite penser « oh, j'ai oublié de lui dire que je l'aimais bien ». Dans les paroles, il dit « tout au long de ma vie, j'hésiterai, je ressentirai un peu de joie, mais avant de me montrer mes remerciements, il est devenu trop tard ». Ou ça, c'est la traduction française d'un anglais. J'ai utilisé la traduction, oui, j'avoue. Bref, cette chanson s'est transformée en une chose polyvalente qui est d'essayer généralement de montrer de l'appréciation et puis de se concentrer sur mon appréciation de Smokey. Comprenez ce qu'a voulu dire George Harrison ? Il voulait d'abord écrire une chanson sur Smokey et c'est devenu une chanson sur « il faut dire aux gens qu'on les aime avant qu'il soit trop tard ». Très philosophe, très beau, très gentil, George Harrison. Pas toujours, mais bon. Vraiment deux périodes dans les Beatles. La première période de la jeunesse dans laquelle les harmonies vocales sont archi présentes et la seconde période dans laquelle les mots sont plus importants, la mélodie est plus renforcée et plus... Tout est génial de toute façon. Donc j'aime les deux périodes. Je crois que au début j'ai aimé la période 67-70 et puis progressivement je me suis mis à la période évidemment 62-66 et j'aime absolument tout jusqu'en 2023 avec Now and Then. Vous savez tout. Instant Karma sur RG. Instant Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. You gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Revenons à l'album de la semaine, l'album Help, sorti en 1965. Voyons quelques chansons marquantes de cet album-là. Help, bien sûr, écrite par John Lennon comme un cri du cœur, derrière le rythme entraînant, un sentiment de malaise face au succès. Paul assure les harmonies et George le riff de guitare. Ticket to Ride, composé par John Lennon, avec une batterie novatrice de Ringo. Le titre a diverses interprétations, un billet de train vers Ride ou allusion à Hambourg. Le premier numéro 1 de du United Kingdom dans oui voilà vous voyez ce que je veux dire là en Angleterre quoi si vous préférez tirer de l'album. Il y a eu évidemment Yesterday qu'on écoutera en fin d'émission composé par Paul McCartney enregistré seul c'est ça l'originalité avec un quatuor c'est pas facile à dire avec un quatuor à cordes. Mélodie venue en rêve titre provisoire Scrambled Eggs Oh My Baby How I Love Your Legs. Il en a fait une version chez Jimmy Fallon. Il n'avait jamais évidemment complété cette version. Mais pour Jimmy Fallon, il y a quelques années, il s'est amusé à chanter ça en duo avec Jimmy. Et c'était assez marrant. C'est devenu l'une des chansons les plus reprises du monde. Oui, plus de 3000 reprises. Et pas par des petits. Hein. Il y a Elvis, il y a Frank Sinatra. Il y en a plein. Quelle belle chanson. Et il y a également You've Got to Hide Your Love Away qu'on va entendre dans quelques instants. C'est John Lennon qui s'inspire de Bob Dylan. La tonalité folk, la guitare acoustique. L'utilisation rare de flûte par un musicien de studio. Il y aura I Need You, deuxième composition publiée de George Harrison, adressée à Patty Boyd. Utilisation innovante du volume de pédale à la guitare. Et Act Naturally, reprise de Buck Owens, chantée par Ringo Starr. Clin d'œil ironique à son rôle dans le film. Entre autres, hein, il y a d'autres très très bonnes chansons parce que c'est le principe de la saga des Fab Four. Vous proposez les chansons connues que vous pouvez entendre sur d'autres radios. Mais vous proposez aussi d'autres petites gemmes, d'autres petits bijoux qui sont dans le disque et que vous ne connaissez pas forcément. Voici You've Got to Hide Your Love Away sur RG. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Each and every day I can see them laugh at me and I hear them say focus sur John Lennon. En 1968, il forme un petit groupe éphémère avec des personnes assez peu connues, Eric Clapton, Keith Richards, par exemple. Il forme le Dirty Mac. Est-ce que déjà, il y avait une allusion à McCartney, Dirty Mac ? Il faudrait lui demander, ça va pas être facile maintenant de lui demander. En tout cas, la version de Year Blues qui est sur l'album Rock'n'Roll Circus des Rolling Stones vaut vraiment le coup d'oreille. J'ai dit que c'était Year Blues, mais bah c'est Year Blues. Yes, I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already. Girl, you know the reason.

Chanson extraite de l'album Revolver en 1966. Non, pas du tout. C'est extrait de Chaos and Creation in the Backyard en 2005, du pur Paul McCartney qui aurait pu sortir cette chanson-là du temps des Beatles à l'égalité avec For No One ou des choses comme ça. Vraiment, Paul McCartney est un génie depuis qu'il a commencé à écrire de la musique. The other day I met someone I had known in another lifetime. Puzzle pieces lost without a trace fell into place in my mind. But we both knew what we were getting into, and we didn't want to stop. No, we wouldn't. We'll be right back. Let's go. Je ne veux pas gâcher la soirée, alors je me barre. C'était John Lennon et les Beatles, bien entendu, sur les Beatles à vendre en 1964. Beatles for sale, tout simplement. Sinon, on faisait un petit tour joyeux du côté des Traveling Wilburys. Vous vous rappelez, c'est un super groupe. En gros, hein, pour essayer d'aller vite parce qu'on est toujours un petit peu en retard. La maison de disques avait demandé à George Harrison de faire une face B pour son album Cloud Nine en 1987. Et pour faire la face B, il a eu envie d'enregistrer chez un copain, pas très loin. Et puis, comme il y avait quelqu'un d'autre qui était, je cache les noms exprès. Comme il y avait quelqu'un d'autre qui était avec lui, il a dit, tiens, tu viens avec moi. Oh, faut que j'aille chercher la guitare chez un tel. Ah ben, ouais, on y va aussi tous ensemble. Bref, fut un moment où ils arrivèrent dans le studio d'enregistrement à 5. Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne, ça fait 3, George Harrison et le dernier va me manquer. J'ai dit Roy Orbison. Bon alors, Roy Orbison, voilà. Et c'est un groupe extraordinaire qui allait très très bien à l'ego de George Harrison puisque le principe de ce groupe-là, c'est que les égos sont au vestiaire. On s'amuse et on s'amuse drôlement bien parce que ce ne sont que des pointures. Donc, ils n'ont fait que 2 albums, malheureusement. Mais que c'est bon. Voici une preuve que c'est bon avec ce titre, Heading for the Light, sur RG. C'était en 1988 sur le premier album, Traveling Wilburys, volume 1. Bye.

certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there. This love of mine, my Valentine. If it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. Écoutez la saga des Fab Four numéro 646, vous êtes bien sur RIG 90.7. Et la saga, bien c'est du mois de septembre jusqu'au mois de juin, tous les mercredis entre 20h et 22h sur RIG 90.7 ou sur www.rigfm.fr. Nous avons écouté la cover, voici la version, le moment du fils d'eux. On dit toujours... Tu étais chaud hein, quand tu dis fils de... Mais oui, fils de John, Paul, Ringo ou George, bien entendu. Ou ressemblant, hein, ça peut être pas forcément un des enfants de nos quatre amis. Mais voici un enfant de nos quatre amis, celui qui, selon moi, a le plus de talent peut-être. C'est Julian Lennon. En 1984, il sortait un album. L'album s'appelle Valotte et le titre que je vous propose, oh, ça sonne comme les années 80, mais j'aime beaucoup quand même, c'est bien rythmé, c'est bien sympa. C'est OK For You sur RIG. spit me out. Makes me wanna scream. Darkness, limitation, falsehood, immortality, which bore him the way back into the higher world. While his whole being is the world that he does not know, no thought of action taking refuge inside himself, and he's saying, I need someone to show me, illumine my consciousness, remove the dark from me. His all had seemed lost, a light from heaven breaking, a flash of wood illumination, made rich his life more than many words to tell. He stood the light, blue precious rain scales were falling from his eyes again. The bolts of the prison opened, he saved. I found someone to show me, illumine my consciousness, remove the dark from me. And given me that which I had lost. You people don't have time to listen to him. Is it fighting revolutions that keep you back down in the low? The dust of desire before your life will reflect in them. You need someone to show you. Illuminate consciousness. Remove the dark from me. And give you that which you blessed. To show me, illumine my consciousness, remove the dark from in me, and give me that which I've lost. I need someone to show me, illumine my consciousness. Yes. tout ce que j'ai perdu vient directement, je parle de ce que George Harrison dit dans son livre I Me Mine, vient directement du Bhagavad Gita que je lisais à l'époque. Puis je l'ai transformé en ce petit truc avec cet air occidental. Le Gita, je sais pas trop comment on dit, est tout au sujet de la lutte contre les forces de l'obscurité, l'imitation du mensonge et de la mortalité. Ça ressemble un peu à Star Wars, mais la vie est un champ de bataille. Les gens pensent que la vie est une question de plaisir, et si le plaisir est enlevé, nous sommes contrariés. Mais la vie n'est pas amusante, c'est un peu comme être en prison. Je te condamne à vie. Vous allez mener vos batailles avec dualité. C'est le sujet de cette chanson, qui est extraite de l'album Somewhere in England, en 1981, par Monsieur George Harrison. Ce genre de chanson, il faut suivre les singles parce que au départ, c'est seulement sorti en single en 1993 et auparavant, excusez mon russe, c'était extrait de Chobabi CCCPI. C'est pas du tout du russe, j'en suis sûr. Coucou le coucou Paloma, il disait Coluche, je crois. Alors, j'ai peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Si vous avez acheté le CD de Chobabi CCCPI, ce qui veut dire Back in the USSR, hein, entre nous. Non pas que je l'ai traduit du russe, mais je le sais parce que c'est Paul qui l'avait dit. Vous le connaissez en 1991, mais en fait, il est sorti seulement pour les Russes en 1988 en vinyle. Et j'ai l'album quelque part dans ma maison dans le grenier, je ne sais pas trop où. Et c'est quand même bien de savoir que c'est sorti 3 ans auparavant et que ça aurait dû rester seulement pour les Russes, mais heureusement intelligemment, il nous en a fait profiter tout le monde. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. Listen to Help sur RG. Yes, if you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, she's gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, she's gonna lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone. will treat her right, and then you'll be the lonely one. I'm not the only one. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point of taking her away from you. Watch what you do, yeah. The way you treat her. Si vous agissez mal, vous perdrez cette fille. Mais tout à l'heure, à 22h, vous gagnerez ce garçon, Eric. Eric, pour Johnny de A à Z, dans une grosse vingtaine de minutes. Une grosse, grosse. Hein. C'est là. Tell me you love me, baby.

chanson avant de laisser la place à Eric. Oui, je vais terminer à peu près à l'heure. Oui, à peu près. On termine en douceur. Girls' School. Paul McCartney sur RG. j'ai dit à Eric que je finissais à l'heure, bah, disons qu'il y a un petit progrès par rapport à la semaine dernière. Allez, merci, bonsoir à tout le monde et on a eu chaud ce soir, hein, ça a été chaud. Je vais voir pour l'ordinateur ce qui s'est passé. S'il continue à fonctionner comme ça, tant mieux, ça ira. Bisous aux filles, poignées de main aux garçons, c'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four numéro. Vous allez rire quand vous en allez entendre Eric. 646, je crois bien. Eh oui! 646, oui, retenez 646 et écoutez ce qu'il va vous dire tout à l'heure dans son émission. À quel numéro il en est? 584. Allez, à bientôt, salut! Yeah.